C'est le qui, Ali Angel, j'apprends. Il est 7h du mat, je bois mon café. Au pub en face de mon taf, je suis installé. J'ai mes lunettes carrées, ça fait cultiver. J'ai le monde à la main, le monde à mes pieds. J'suis là, j'suis fatigué, je veux qu'on me foute la paix. Toute la nuit en studio, j'ai trop galéré. Au pub en bas de chez moi, je bois mon café. 7h du mat, bonard, là je vais me coucher. Yeah. Et comment une bombe atomique à 7h05 a débarqué? Entre nous s'est installé, prête à tout pour nous allumer. J'étais avec nous comme ça, ce n'est ni le jour ni l'endroit. Mes forces me quittent déjà. 7h15 du match, fini mon café. Un clin d'œil à la miss, je me fais remarquer. Je suis déjà en retard, faut que j'aille bosser. À peine le temps, je sais, mais je veux l'aborder. Ça perd l'hypopète, je suis pas seul sur le coup. Y'a un mec là-bas qui veut me voler ma boue. Attention, danger, hostilité déclenchée. Et comment une bombe atomique à 7h05 a débarqué? Entre nous s'est installé, prête à tout pour nous allumer. J'étais avec nous comme ça, ce n'est ni le jour ni l'endroit. Mes forces me quittent déjà.